guider. Découvrir un chemin sous le fracas des mondes. Assurer chaque pas en criant sa victoire. Et garder ses silences pour les âmes conjointes, pour qu'elles puissent rester libres de nous accompagner.